بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة. والله والله الدعوة السلفية الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية الدعوة السلفية الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. حفظه الله. Cours numéro 29. التشهد الأول. Le premier تشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن عمر وأن رآها الناس حسنا. أما بعد donc inshallah on va procéder à un petit résumé et une révision de ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Le cours de la semaine dernière l'avait tourné autour de Jilsatu al-istiraha, l'assise de repos. Quel est le jugement de cette assise? Jilsatu al-istiraha, c'est quoi son jugement dans la prière? Une sunnah? Non. Qui est d'accord avec le participant 9? Il évoquait que c'est une sunnah. Si vous vous rappelez, il y a une divergence dans cette mas'ala là. Naham. Il y avait trois avis qui ont été évoqués. Une partie qui dit que ce n'est pas légiféré, qu'il y a un grand nombre de sahaba. Une autre partie qui dit que c'est légiféré pour la personne qui est âgée, une sunna pour ceux qui est la personne qui est âgée. Et le troisième avis qui est juste, c'est que c'est une sunna pour la personne qui est âgée et la personne qui n'est pas âgée. Comme cela a été évoqué dans le hadith de Malik ibn Hawarith, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il nous a informé que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, marquait ce temps d'arrêt-là avant de se lever. Et il a dit il a évoqué ce hadith-là devant une dizaine de sahaba, et aucun de ces sahaba ils n'ont réfuté cela. Donc l'avis qui est juste, c'est que c'est une sunna. Quant à l'avis qui dit que c'est une sunna pour la personne qui est âgée, on avait dit aussi qu'à tel cas, c'est un avis qui n'est pas tout à fait faux. Parce que ces personnes-là, ou plutôt ces ulama-là, ils ont joint entre les deux textes. Les textes dans lesquels Nabi Sosam, yani, ça n'a pas été évoqué, et c'est une grande majorité des hadiths dans lesquels ça n'a pas été évoqué, qui marquait ce temps d'arrêt-là, et le texte dans lequel Malik ibn Hawarith, il a évoqué que Nabi Sosam faisait cela, ils ont fait, ils ont joint les deux textes pour en conclure que c'était légiféré et une sunna pour la personne qui était âgée. Lakin, man alima kama qala al-ulama hujjatun ala man la ya'lam. Celui qui connaît une chose, il a un argument sur celui qui ne connaît pas. Donc il y en a l'avis prépondérant, c'est que c'est une sunna, que ce soit pour la personne âgée ou pas. Quel est le jugement du takbir lorsque la personne se relève de la deuxième prostration pour s'asseoir pour cette jilsatul istiraha, cette assise de repos? Quel est le jugement du takbir? Wajib, naham. C'est une obligation. Comme on a pu le voir avec le hadith qu'on a évoqué énormément, on a pu voir que on a pu en conclure même et résumer que toutes les takbir à l'intiqal, celles que tu vas utiliser, plutôt que tu vas faire pour te déplacer d'un endroit à un autre, on a pu voir que tous ces takbirat Ce sont des umur wajibah. Qu'est-ce qu'il en est quand on fait de lever la main pour cela? Lever les mains au moment du takbir, c'est légiféré ou pas? Non, c'est pas légiféré, tamam. Ahsant. Il n'y a rien qui nous prouve cela. Il n'y a rien qui nous prouve cela. Et si les hadiths ont été évoqués par rapport à cela, ils sont daïfs. Il n'y a que dans 5 endroits où tu peux lever ta main. Et en vérité, le mieux c'est de se limiter à ces 4 endroits. Et le 5e endroit qui est entre les deux prostrations, on a pu voir que d'autres hadiths, il y en a qui montrent que Wallahu a'lam, c'est mieux de le faire, ou plutôt de le laisser, s'il faut le faire, c'est de temps en temps. Vraiment, rarement. Au niveau de l'assise, quelle est la description par rapport à l'assise? Comment doit-il s'asseoir? Naam. Ce sont pied gauche et le pied droit relevé. Naam. Les orteils en direction de la qibla. Naam. La même assise qui faut observer entre les deux prostrations. Arsante. Comment le prière doit-il procéder pour se lever à la prochaine raka qu'il va faire? Sur quel de ses membres il s'appuie pour pouvoir se lever, pour aller à l'autre unité de prière? Les mains à plat. Naam. Amal hadith dans lequel il y en a, c'est évoqué que c'est les genoux qui sont levés les premiers, que tu le prier récède pour ça de ses orteils. Ce hadith-là, il n'est pas. Tous ces hadiths qui ont été évoqués, ils sont tous daif. Donc il doit le faire, comme l'a évoqué le participant 9, en mettant les mains à plat. En mettant les mains à plat. Quant au hadith dans lequel il est venu que Kanabi Sassam Yardin of Salah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait, il se levait les poings serrés. Quel est le jugement de ce hadith, l'authenticité de ce hadith? Le hadith, il est faible. Le Cheikh Yahya, il a évoqué que ce hadith-là était faible. J'ai pas eu le temps de regarder sur la chaîne de transmission. Lakin al-Ma'rouf, c'est que le hadith, il est vraiment faible. Il nous avait fait part de la cause pour laquelle il a été jugé de faible. Lakin, je l'ai oublié. Et j'ai pas eu le temps, entre temps, de le réviser, j'ai oublié, carrément. Lakin, c'est Ma'rouf, ce hadith-là, il n'est pas authentique. Donc, il y en a à partir du moment où on n'a pas de preuves, et on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait, on n'a pas de preuves, il y en a qui précisent comment il se levait, il y en a au niveau des mains, comment il les a placées, c'est-à-dire que, plutôt le hadith qui est venu sur les points serrés, il est daïf. Lakin, on a le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se levait, en s'aidant de ses mains. Mais comme on a pu le voir, lorsque les mains sont évoquées, ce qui est voulu par là, c'est les paumes des mains. Les paumes des mains. Et pour cela, doit être mis à plat, car c'est ma'rouf. La personne, lorsqu'elle cède pour se lever, elle ne fait pas avec le dos des mains, mais avec en mettant les mains à plat. Donc il se lève comme il fait dans les moments autres que la prière qu'il y a pour cela. Ensuite, une fois qu'il s'est levé, avec Azal et Kanam, j'ai oublié, par rapport au takbir, à partir de quel moment il est légiféré de faire le takbir pour se lever, et est-il possible pour cela de faire plusieurs takbirs ou pas? Naam. Comme vous l'avez évoqué, il y a un takbir pour cela et il doit se faire à partir du moment où il sera le sujoud. Naam. À partir de ce moment là il a tout ce temps là, il y en a à partir du moment qu'il a levé sa tête pour le sujoud et avant qu'il soit totalement debout, tout ce moment là il est légiféré pour qu'il fasse le takbir. Et ce qui est mieux, yani wallahu a'lam, c'est que au niveau des takbirs, c'est de le faire au moment où tu vas te lever. C'est-à-dire que lorsque tu as marqué la pause, le temps d'arrêt, cette jalsa, cette assise, à partir de ce moment-là, c'est mieux pour toi de faire le takbir. Afin que les gens qui ont un peu une coutume à être pressés dans la prière, ils ne te précèdent pas. Ça te laisse le temps de pouvoir bien te lever et ces personnes-là à ne pas te devancer dans la prière. Donc c'est mieux, Yanni, de le faire à partir du moment où tu vas te lever, c'est-à-dire après que tu as marqué le temps d'arrêt dans le jisatou, l'istiraha. Lakin, celui qui le fait après avoir levé sa tête du sujoud, deuxième sujoud, il n'est pas réprimandé. Lakin, c'est mieux afin que les personnes ne te devancent pas dans le suivi. Que doit-il faire après qu'il s'est levé, une fois qu'il est debout? Qu'est-ce qu'il est demandé aux prières de faire? Dans l'unité suivante. Et dans cette unité-là, doit-il faire ce qu'il a fait dans l'unité précédente? Ou y a-t-il des choses qui différencient? Pareil dans la carte, sauf qu'il ne fait pas l'invocation d'ouverture. Quel dalil qui prouve cela? L'un de vous se rappelle-t-il du dalil? Hadith Abu Huraira, fait musulman, dans lequel il disait qu'il ne marquait pas de pause et commençait directement l'arrestation. أحسنتم. هذا هو. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة استفتحها بحمد الله رب العالمين ولم يسكت. Pour revenir par rapport à ce hadith-là, dans lequel est évoqué que le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'il se levait, après avoir accompli la première unité de prière, il ouvrait la deuxième unité de prière par Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est-à-dire Al-Fatiha. Wa qala Abu Huraira wa lam yaskut. Il ne marquait pas un temps d'arrêt. Ce qui est voulu par ce temps d'arrêt-là, c'est un temps d'arrêt, yani qui. On pourrait penser, donc il ne faisait pas la basmala. Naam. C'est par rapport à cela qu'on voulait revenir par rapport à ça. C'est que. Lorsqu'il dit lam yaskut, tamam, lorsqu'il dit lam yaskut, yani comme ça peut laisser entendre que directement après qu'il s'est levé, il ouvrait directement la prière avec Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est-à-dire sans dire Bismillah Rahman Rahim. Ce qui veut dire par là, lorsqu'il dit lam yaskut, c'est-à-dire qu'il n'a pas observé un temps d'arrêt qui est semblable au temps d'arrêt qu'il a observé dans la première unité de prière, dans laquelle An-Nabi Sallam, après avoir fait le takbirat il-ihram, il a ouvert la prière avec du'a al-istiftah. Et comme on a pu l'évoquer, certaines des du'a elles sont assez longues. Donc un temps d'arrêt qui est marqué et qui reste dans les esprits des personnes qui sont derrière. Parce que Nabi Sallam, il faisait des du'a qui étaient ma'aruf, qu'on a pu évoquer. Lakin, ce qui évolue là, c'est qu'il ne faisait pas quoi ? Du'a al-istiftah. Comme l'a dit Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Amma de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ou bien de prendre le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre Shaitan al-Rajim, ça c'est une chose qui est légiférée. Amma al-Basmala, c'est ma'aruf, comme on a pu le voir. C'était une chose qui est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne délaissait pas. Car il y a dedans une isti'ana, une aide auprès d'Allah Azzawajal pour accomplir l'œuvre qui est le pilier de la religion, qui est autre que la salah. Et quant à l'isti'ana, c'est-à-dire de prendre le refuge auprès d'Allah Azzawajal, ça c'est une chose que les ulama ont divergé sur cela. Est-ce qu'il doit répéter l'isti'ana après, pour la deuxième unité de prière et les autres unités de prière? Certains d'entre eux, ils disent que non, il se suffit, on a pu l'évoquer je pense, il se suffit de quoi? De la première tirada qu'il a fait dans la première raka'a, et il ne prononce pas cela dans la deuxième ou troisième, quatrième raka'a si jamais c'est le cas. La quête en sahih, c'est que la ayah, qu'allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha qara'at al-Qur'an fa'sta'idh billahi min ash-shaytani ar-rajim, et lorsque tu lis le Qur'an, prends refuge auprès d'Allah azawajal contre ash-shaytan le lapidé. Cette ayah-là nous montre que c'est une formule qui doit être répétée à chaque fois que la personne veut lire le Coran. C'est-à-dire, à partir du moment qu'il y a une interruption, il est demandé à cette personne-là qu'il prenne le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre Shaitan al-Rajim. Et ça, on a pu le voir, c'est quelque chose qui est mustahab. C'est pas une obligation, lakin c'est mustahab. Car un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà délaissé des choses, ou plutôt lire le Coran sans avoir pris pour cela l'isti'adha, sans avoir pris le refuge auprès d'Allah Azzawajal. Lakin c'est une chose qui est très recommandée. Et donc à partir du moment qu'il y a une interruption, comme c'est le cas, lorsque la personne a fini de lire Al-Fatiha, même une sourate qui est après Al-Fatiha, ils vont au ruku'. Dans le ruku', il fait des du'as. Il se relève, il fait des du'as. Il va en sujoud et il a khirihi. Il y a une interruption entre la lecture qu'il a observée dans la première raka et celle qu'il veut faire dans la deuxième raka. Donc là, il veut lire une deuxième fois le Coran, donc il faut qu'il prenne le refuge auprès d'Allah Azzawajal. Car Allah a demandé, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Comme on dit les ulama, une partie d'entre eux, ils ont dit, à partir du moment que la lecture se répète, et qu'il y a eu une interruption entre ces deux lectures-là, il faut que tu reprennes le refuge auprès d'Allah Azzawajal. Ça, c'est une chose qui est fortement recommandée, car comme on a pu le voir, Al-Shaytan, il a eu l'audace de vouloir perturber, chambouler la lecture des prophètes, donc il y en a. Qu'est-ce qu'il en est pour les personnes qui sont en dehors du rang des prophètes, comme c'est le cas de nous? Donc il faut qu'ils prennent l'achak ou la raibafi, sans doute, le refuge auprès d'Allah Azzawajal, afin que Shaitan ne le perturbe pas dans sa prière. Donc ce qui évolue, c'est qu'il l'a mis scout, c'est-à-dire que un Nabi Sassam ne marquait pas un temps d'arrêt, tel qu'il a fait dans la première unité de prière, c'est-à-dire en disant la doha de l'istiftah. Donc il faut lire Al-Basmala et Kedalika avant cela, Al-Isti'adha. Kedalika, parmi les choses qu'on a évoquées, on n'a pas eu le temps d'évoquer le hadith par rapport à cela, mais on a pu le voir lorsqu'on a évoqué la longueur de la lecture du prophète sallam dans les salawat. Il nous dit Cheikh Al-Albani wa yaj'aluha aqsar min ar-raqatiyya al-ula. Il y a deux minutes de prière doit être plus courte que la première. Et la preuve qui nous prouve cela, hadith Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par Bukhari et Muslim, dans lequel il nous dit que kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqassiru yutawwilu fi al-ula wa yuqassiru fi ath-thaniya fi salati as-subhi wadh-dhuhri wa al-'asr. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith l'a ramené par son sens, et sinon le hadith est un peu plus long. Dans lequel il nous évoque ce témoin compagnon que le prophète alayhi wa sallam, il avait pour habitude de raccourcir la deuxième unité de prière par rapport à la première. Dans les prières du subh, celle du dhahr et celle du asr. Les ulama ont pris de ce hadith là pour dire que il est légiféré, c'est une chose recommandée, de raccourcir la deuxième unité de prière sur la première. La deuxième unité de prière doit être plus courte que la première, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait dans ses trois prières. Et ça, c'est une chose, ils ont dit, donc il a observé Kadalika dans les autres unités de prière, car à partir du moment qu'il a fait dans ces prières-là, c'est-à-dire que c'est légiféré Kadalika dans les autres. Sauf que ça n'a pas été rapporté, sinon c'est légiféré. Ça, c'est l'avis qui est prépondérant. Certains des ulama, ils voient que, naam, c'est pas légiféré, que tu dois marquer un temps d'arrêt, ou plutôt une longueur qui est équivalente. Laquelle le hadith est un argument contre eux. Inch'Allah, on rentre dans le cours d'aujourd'hui qui est Al-Julus le Tashahud, l'assise pour faire un Tashahud. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'idha faragha min al-raq'ati al-thaniya, qa'ada lit-tashahud wa huwa wajib. Il nous dit, Cheikh, une fois qu'il a fini la deuxième unité de prière, donc on n'a pas à évoquer ce qui doit être fait parce qu'on a pu le voir. Il nous dit, Cheikh, rahimahullahu ta'ala, qui doit s'asseoir pour faire un Tashahud. Et il nous dit, le jugement de cela, de cette assise-là, c'est que c'est une obligation. Wahuwa wajibun. Et c'est tel que l'a évoqué Cheikh, alayhi rahmatullah, cette assise-là, elle est obligatoire. Les ulama, ils ont divergé sur cette mas'ala-là, sur ce sujet. Laquelle, la vie qui est juste, c'est celui qui a évoqué Cheikh, alayhi rahmatullah. Certains d'entre eux ont dit que c'est la majorité des savants, que cette assise-là, elle est mustahab. Cette assise-là, ils ont dit qu'elle est mustahab. La preuve de cela, ils ont pris le hadith de Abdullah ibn Buhayna, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel, na'am, il est dit que, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, salla bihim al-dhahar, faqama fi rak'atayn, al-ulayayn, wa lam yajlis, faqama an-nas ma'ahu, hatta idha qa'da, حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه سبعة ستجيخ شو حدث ليلة يتبكي باخ لمن بخاري ومسلم لأصحاب السنان لمن أحمد رحمه الله تعالى رحمة الله عليهم أجمعين وشو حدث لها أوتنتيك il nous a informé que le prophète عليه الصلاة والسلام comme on a pu l'évoquer حتى يعني dans d'autres cours que une fois Nabi Sassam il a après les deux rak'ah, il s'est assis directement. Ou plutôt, il s'est levé directement et il n'a pas observé le tashahhud. Ensuite, les gens, ils ont attendu à la fin de la prière qu'il conclue la prière. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le takbir. Et ensuite, il a fait deux prosternations qui sont les prosternations de distraction. Et ensuite, il a fait le taslim. La majorité des savants, ils disent que ce hadith-là prouve que tashahhud, c'est une chose qui est mustahab. Car si jamais ça aurait été une obligation, un Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il aurait recommencé. Lakin, comme on a pu l'évoquer, ce hadith-là, c'est une preuve contre eux. Car ce hadith-là nous prouve que At-Tashahhud, c'est pas quoi? Un pilier. C'est pas un pilier. Tout ce qu'on peut conclure et déduire à travers ce hadith-là, c'est que le fait de faire At-Tashahhud, c'est pas un pilier. Car si jamais ça aurait été un pilier, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait recommencé cette unité de prière. Et il aurait ramené ce pilier-là qu'il a oublié de faire. Lakin, le fait qu'il a comblé cet oubli par les deux prosternations de distraction, ceci nous prouve que cette chose-là, c'est une obligation. Car c'est ma'rouf, les choses que tu combles par ces deux prosternations, ce sont les choses qui sont au moindre des degrés une obligation. Et non pas une chose qui est recommandée. Ajoutez à cela, pour fortifier l'avis de ceux qui ont dit que c'est une obligation, le hadith qui a été rapporté par Ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه في صحيح النسائي أو plutôt rapporté par l'imam النسائي عليه رحمة الله et ce hadith-là est authentifié par Cheikh Al-Albani et autres dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره الحديث. Dans ce hadith-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que à chaque fois que on va s'asseoir après deux unités de prière, il faut qu'on dise attahiyatu lillah, c'est-à-dire les formules qui doivent être observées pendant attashahhud. Le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit faqulu, c'est un ordre. Donc l'ordre, comme on a pu le voir et on l'a répété plusieurs fois, c'est que c'est une obligation. À partir du moment qu'il n'y a rien qui dévie ce jugement-là vers une recommandation. Donc il y en a ces deux dalils-là nous prouvent et naham fortifie l'avis qu'a évoqué Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, que tashahhud c'est une obligation. Car premièrement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé et il a comblé cet oubli par deux prostrations de distraction. Et comme on a pu l'évoquer, ceci nous prouve que c'est une obligation. Et deuxièmement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que soit dit dans le tashahhud, il y en a la formule que, inshallah, on évoquera. Les formules qui sont légiférées pour cela, les doigts qui sont évoquées, qui sont légiférées pour cela. Donc l'avis qui est juste, c'est celui qui a voté Cheikh Al-Albani que attachahoud c'est une obligation. Celui qui l'oublie, il doit faire comme l'a fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire se prosterner de prosternation, de distraction. Sajdatun as-sahw. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajlisu muftarishan kama sabaqa bayna sajdatayn. Il nous dit que l'assise qu'il doit observer, c'est la même qu'il doit faire lorsque pour jalsatul istiraha et kadhalika entre les deux prosternations. C'est-à-dire de s'asseoir sur son pied gauche et de dresser son pied droit tout en s'appuyant sur ses orteils et si c'est possible même de mettre ses orteils en direction de la Qibla. La preuve qui nous prouve cela, hadith Aisha radiyallahu anha fi muslim qalat kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yafrishu rijlahu al-yusra wa yunsibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an 'itbati ash-shaytan. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Aisha radiyallahu anha, lorsqu'il s'asseyait pour tashahhud, il, comme on l'a évoqué, il s'asseyait plutôt sur son pied gauche et levait le pied, et dressait le pied droit. Et dit, elle a ajouté que il interdisait à Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il soit marqué l'assise de shaitan, c'est-à-dire comme on a pu l'évoquer, s'asseoir sur son derrière et lever les genoux en l'air et mettre les mains au sol. Comme l'a évoqué Abu Ubaidah rahimahullah ta'ala, il l'a évoqué que cette assise-là qui est voulue par Aqbat et shaitan, c'est de fait de s'asseoir comme le font les chiens ou bien les animaux féroces. Donc l'assise qui est légiférée pour cela, c'est de s'asseoir de cette manière-là. Et l'iq'a, il n'est pas légiféré. C'est-à-dire de s'asseoir sur les talons, pour le tashahhud, c'est une chose qui n'est pas légiférée. C'est une chose qui est juste légiférée entre les deux prosternations. Et on a pu voir kadhalika, à travers jalsatul istiraha wa kadhalika al-jalsa yani bayna sajdatayn, que le jugement de cette assise-là, qui doit marquer cette manière de faire, s'asseoir sur le pied gauche et dresser le pied droit, c'est une chose qui est recommandée. Comme l'a évoqué Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, min as-sunnati an yaftarisha ar-rajul rijlahu yusra wa yunsibu al-yumna. Comme on a pu le voir dans un des cours gagné précédent. Amalikra, comme on a pu le dire, il n'y a rien qui prouve cela. Il n'y a rien qui nous prouve cela. Et muqtada shahada, c'est que tu adores Allah Azza wa Jal avec une preuve, une lumière du kitab et de la sunnah qui t'autorise de faire cela. Et comme il n'y a rien qui prouve que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a indiqué cela, c'est-à-dire s'asseoir sur ses talons, sur les talons, donc il n'y a pas de qiyas, on ne fait pas d'analogie pour dire que donc si jamais on s'est assis comme ça, il y en a entre les deux prostrations, donc on peut le faire pour tashahhud. Là, le aql, il ne doit pas être mis en avant. Il ne doit pas être mis en avant, il n'y a aucun dalil qui nous prouve cela. Wa ma'aruf yani min muqtada shahada an la yu'bad Allah illa bima shara. Tu dois adorer Allah Azza wa Jal que par les choses qui ont été légiférées. Et là, c'est pas le cas. Donc, on se contente de s'asseoir de cette manière-là. S'asseoir sur le pied gauche et de dresser le pied droit. قال الشيخ ولكن لا يجوز الإقعاء هنا comme on a pu l'évoquer. C'est interdit de s'asseoir sur ses talons. هنا يعني c'est-à-dire pour تشهد الأول premier تشهد. قال ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية ركبته مرفقه الأيمن على فخذه ولا يبعده عنه. Et nous dit, la Cheikh, il nous évoque dans ce paragraphe-là, la position que doit avoir les mains pendant at-tashahhud al-awwal, comment tu dois te tenir, ou bien plutôt placer tes mains pendant At-Tashahhud. La manière qu'il a évoquée, c'est une des manières, parmi les manières. Là, on va évoquer une les positions des coudes, c'est-à-dire l'avant-bras plutôt, que on doit observer dans cette assise-là, pour At-Tashahhud al-Awwal. Il y a un hadith qui est venu, selon Wa'il ibn Hudr, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Naham, Cheikh Mohammed bin Hizam, et كذلك Cheikh Al-Albani, alayhi wa rahmatullah, wa hafiz al-ahya, أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى على فخذ اليسرى ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. Dans ce hadith-là, Wa'il ibn Hujr nous qualifie et décrit l'assise que Naham et la position des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était pendant At-Tashahhud. Il nous dit, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il posait sa main gauche sur sa cuisse droite. Et là, ce qui est voulu par la main, là, c'est le coude. C'est le coude. Car là, j'ai évoqué le hadith, yani, d'une manière, je l'ai résumé, lakin, après, il évoque, yani, que la main, ou plutôt, yani, l'index, il doit être mis en direction de la qibla et la khiri. Donc, ce qui est voulu, là, par la main, c'est les avant-bras, pour la main gauche, de l'avant-bras jusqu'à l'extrémité du majeur. Donc la main gauche, elle doit être mise sur la cuisse gauche. Et le coude droit, il doit être mis sur la cuisse droite. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, nous dit que les ulama sont tous unanimes que cette manière de faire là, c'est une chose qui est recommandée. Et ils ont dit une hikmah, la sagesse pour cela, c'est qu'afin que tes mains ne soient pas distraites pendant la prière, c'est-à-dire que tu t'amuses à prendre yani, les choses qui sont peut-être à terre, au sol, yani, c'est pour éviter que tes mains soient distraites pendant la prière. C'est pour cela qu'il faut observer cette manière-là, et c'est une chose qui est recommandée, et que les ulama sont tous unanimes sur cela. De poser sa main droite, c'est-à-dire l'avant-bras sur la cuisse droite, et pour cela, en mettant le coude sur la cuisse, quand même. Le coude kazalika, il doit être sur la cuisse, comme l'a dit Cheikh. Wala yub'iduhu an. Et il ne doit pas l'écarter, c'est-à-dire son coude. Son coude doit être posé sur la cuisse, si jamais tu as la possibilité. Comme on a pu voir, c'est une recommandation. Les personnes qui trouvent une difficulté à faire cela, ce n'est pas une chose qui est obligatoire. Ma anzalna alayka al-Qur'an itashqa. Le dîn, ce n'est pas une difficulté. Celui qui a la possibilité de le faire, il le fait. Et celui qui ne peut pas, inshallah, ça n'y a. Inshallah, il sera récompensé par l'intention qu'il aura eu de vouloir faire cette sunnah, lakin, la capacité a pris dessus sur lui. Donc Inch'Allah sera récompensé. Mais celui qui a la capacité de le faire, Inch'Allah il le fait. Sallu kama ra'aytumuni wa salli kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Priez comme vous m'avez vu, priez. Quant à la position que doivent avoir les paumes, pour cela, il y a deux manières de faire. Là on parle de la paume gauche. Elle a une position à avoir. Et pour cela, tu as deux manières. Soit tu la poses sur ta cuisse, tu mets ta main à plat sur ta cuisse, ou bien tu fais un peu comme tu veux, c'est-à-dire tu prends ton genou. Tu mets ta main à plat sur ton genou et tu le prends. Comme c'est un peu le cas lorsque la personne est en ruku', c'est-à-dire elle vient prendre son genou. La première kayfiya, c'est-à-dire la poser sur sa cuisse, elle a été rapportée par Abu Daoud, radiyallahu anhu, plutôt rahimahullah ta'ala, selon Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, le hadith est sahih, authentifié par Cheikh Al-Albani et Cheikh Mohammed ibn Hizam, dans lequel il nous a dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد ou plutôt فيه أنه وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait posé sa main gauche sur sa cuisse gauche, c'est-à-dire là c'est la paume qui évolue. La deuxième kayfiya, c'est-à-dire comme on a dit, qu'il le pose sur ses genoux, la main gauche, la paume gauche sur le genou gauche. Le hadith d'Ibn Umar رضي الله عنه nous indique cela, rapporté par l'imam Muslim. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. Le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il était pendant au تشهد, nous dit Ibn Umar رضي الله عنهما, il posait sa main gauche, plutôt sa paume gauche, sur son genou gauche. Et dans un hadith d'Ibn كذلك de Abdullah ibn Zubair rapporté par Muslim, قال وفيه كان يلقم كفه اليسرى ركبته. Et avec sa main gauche, il avalait son genou gauche, c'est-à-dire qu'il le posait bien sur son genou gauche. Donc ces deux hadiths-là nous prouvent que c'est légiféré de mettre qui a deux manières de faire, soit tu le mets ta main, ta paume gauche sur la cuisse ou bien sur ton genou. قَالَ وَيَبْسُطُ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتَهُ الْيُسْرَى. Comme on a pu le voir. J'ai oublié de lire le texte, le paragraphe dans lequel Shirk Yani, en fait, là il résume ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire de poser à plat sa main, sa paume gauche sur son, sa cuisse droite ou bien sur son genou. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يجلس متعمدا على يده خصوصا اليسرى. Il nous dit qu'il ne doit pas s'asseoir dans cette assise là qui est tashahhud en mettant ses mains à terre, en mettant ses mains à terre et surtout pas sa main gauche et surtout pas la main gauche. Comme on a pu le voir, car النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit cela. Comme on a pu voir à travers le hadith d'Aïcha رضي الله عنها قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان, c'est-à-dire l'assise des diables, c'est-à-dire de s'asseoir à terre et en mettant ses mains à terre et en levant ses genoux en l'air. Donc ça, cette assise là elle est interdite, c'est-à-dire de mettre ses mains volontairement au sol, ça c'est une chose qui est interdite. Et il nous dit wa khususan, ça n'est plus particulièrement la main gauche. N'arm, la main gauche plus particulièrement c'est interdit. Il y a un hadith qui nous prouve cela. Selon Ash-Sharid ou bien Ash-Sharid ibn As-Suwayd, rapporté par l'imam Abu Dawud et authentifié par Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, dans lequel il nous dit cet imam, ou plutôt ce sahabi, qala marra bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana jalisun hakadha wa qad wada'tu yadi al-yusra khalf dhahri wa taka'tu ala al-yati yadi faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ataq'ud qi'data al-maghdubi alayhim. De ce hadith là authentique, ce sahabi nous informe qu'une fois il était assis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est passé à côté de lui. Ce sahabi il était assis en s'appuyant sur sa main gauche au sol et derrière le dos, en mettant sa main gauche derrière son dos et en s'appuyant sur sa main gauche. Le prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il avait cette assise, il lui a dit toi, est-ce que tu es en train de t'asseoir comme les personnes qui ont encouru la colère d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire al-Yahoud? Donc ceci nous prouve qu'il y a une ressemblance avec les Yahoud dans le fait de s'asseoir de cette manière-là, c'est-à-dire de s'appuyer sur la main gauche. C'est pour ça que Cheikh il a souligné cela en disant « Wukhusu sana yusra » et plus particulièrement la main gauche, c'est-à-dire la mettre au sol pendant tashahhud. Les mains doivent être mises sur les cuisses, les mains doivent être mises sur les cuisses. Et le mettre au sol, surtout la main gauche, c'est une ressemblance avec qui? Al-Yahoud. « Wa qala an-nabi alayhi salatu wassalam man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum » Celui qui s'identifie à un peuple, il fait partie de ce peuple-là. Donc cela, ça nous montre Yanni, que cette chose-là est interdite, de mettre la main au sol. Le mettre la main au sol, et plus particulièrement la main gauche, c'est une chose qui est interdite. Mettre les deux mains au sol et s'asseoir sur son derrière et mettre les genoux en l'air, ça c'est une chose qui est kadalika, qui est interdite. Si jamais tu poses ta main droite, pour aucune raison, ça c'est une chose qui est, c'est l'arba. C'est un amusement, une distraction dans la prière. Les mains doivent être mises, et comme l'a évoqué l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, même si jamais c'est une chose qui est recommandée, le fait de mettre ses mains sur ses cuisses, et le cas dans lesquels elles ont bras, même si c'est recommandé, laquelle, il y a une sagesse qui en découle, c'est que tes mains ne soient pas distraites pendant la prière. Donc il faut observer cela, même si jamais c'est une chose qui est recommandée, et il y a des choses que si jamais tu fais, ça va te faire que tu t'identifies aux personnes qui ont couru la colère d'Allah Azzawajal. Qui sont qui? Les mal'ounin, les maudits, al-yahoud. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa bin Maryam. Les gens, la descendance d'Israël ont été maudits sur la langue de Daoud et Isa. Donc il faut éviter de s'identifier aux mal'ounin, aux maudits. قال رحمه الله تعالى تحريك الإصبع والنظر إليها. C'est-à-dire, il va nous évoquer le jugement quant au fait de bouger, on va le voir inshallah, l'index, et de regarder où tu dois regarder lorsque tu es en train de t'asseoir pendant tes tashahhud. قال رحمه الله تعالى ويقبض أصابع كفيه اليمنى كله أو كلها ويدع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة يجيشيخ. La position que tu dois observer, ou plutôt la manière que tu dois observer avec ta main droite, là on parle de la paume et plutôt même des doigts, ça il dit que tu dois joindre et réunir tous tes doigts et de poser ton pouce sur ton majeur. Et ça on va le voir, Yanni, il y a plusieurs manières de faire. Là, c'est une kayfiyya, c'est une manière qu'il a évoquée. On va les évoquer tous, il a évoqué une autre. قال وتارة يحلق بهما حلقة. Et il a oublié une troisième partie, une troisième manière de faire qu'on va évoquer, inshallah. Donc il nous dit pour cela, pour ta paume droite, tu as deux manières de faire, on va évoquer, inshallah, la troisième. C'est-à-dire que tu réunis tous tes doigts, comme si tu avais le poing serré, et ensuite tu mets ton pouce sur ton majeur. Ça, c'est une kayfiyya. La deuxième, c'est que tu fais la même chose, sauf que avec ton majeur et ton pouce, tu fais un nez comme si jamais tu faisais un rond, tamam? Une halqa. Et la troisième qu'on va voir, inshallah, c'est que tu mets ton pouce sous l'index. On va évoquer pour cela les hadiths. Quant à la première kayfiyya, qui est de mettre le pouce sous l'index et de réunir les trois autres doigts de la main, c'est-à-dire le majeur et les deux doigts qui suivent. Le hadith a été évoqué par Na'am ibn Umar radiallahu anhu fi muslim, dans lequel qala nabi sallallahu alayhi wa sallam ou kana nabi sallallahu alayhi wa sallam idha jalasa li tashahhud aqada 53 wa ashara bi usbu'ihi as-sababa. Dans ce hadith là il nous a évoqué que, selon ibn Umar apporté par muslim, que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en tashahhud, il marquait avec sa main droite, c'est-à-dire que, comme l'a dit Sheikh, ou plutôt l'imam Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, qui mettait son pouce sous l'index. Le pouce, tu le mets de manière horizontale sous l'index. Parallèle à l'index et sous l'index. Et les autres doigts qui suivent le majeur, ils sont tous réunis dans la paume de la main. Ça, c'est une kayfiyya. Ça, c'est ce qui est voulu par Salat wa Salasin 35. C'est-à-dire de mettre de cette manière-là, réunir ou plutôt mettre ton pouce en parallèle sous l'index et les autres doigts, t'as même du majeur et ce qui en suit, de le mettre en dessous ou plutôt les réunir dans ta paume. Ça, c'est une manière de faire. L'autre manière de faire, rapportée par Wa'il ibn Hujr radiallahu anhu, selon Abu Daoud alayhi rahmatullah, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqada al-khinsir al-binsir thumma halqa al-wusta bil-ibham wa ashara bi-sababa. La deuxième manière de faire, c'est de réunir le pouce avec le majeur pour en faire un rond. Tam. Et les doigts qui suivent le majeur, le khinsir ou le binsir, ils doivent être réunis dans la paume. Et l'index, tu le pointes en direction de la qibla. Ça, c'est une manière de faire. Deuxième manière de faire. Et la troisième manière de faire, hadith rapporté par Abdullah ibn Zubair, radiallahu an, ou anhuma plutôt, rapporté par l'imam muslim, alayhi rahmatullah, dans lequel il nous a informé que Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yushir bi isba'ihi as-sababa wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait son pouce, il refermait les doigts de sa main, comme si jamais le poing était fermé, tamam. Ensuite, il mettait son index en direction de la qibla, et son pouce sur le majeur. Et le pouce sur le majeur, ça c'est les trois kayfiyya qui sont légiférés de faire pour tashahhud, c'est-à-dire pour la main droite. Amma, le fait de pointer l'index au moment où la personne, lorsqu'elle va, on va le voir, il y en a qui est légiféré de dire ash-shahada, c'est-à-dire ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Certains des gens de la masse, à partir du moment où tu le vois qu'il va faire le tashahhud, tu vois, il y en a que sa main, il pose sa main à plat. Et au moment où il va faire shahad en tashahhud, c'est à ce moment-là qu'il fait quoi? Qu'il pointe son index vers la qibla. Ça, c'est une chose qui, une bid'a, comme l'a évoqué Sheikh Al-Albani, alayha rahmatullah, dans Sifat al-Salah, c'est-à-dire dans son kitab qui est kabir, celui qui a trois mujallad, trois volumes, il a dit que ça, c'est une chose qui n'est pas légiférée. Car rien ne prouve du kitab de la sunnah qu'il faut dire, ou plutôt pointer l'index au moment où tu dis, yani, ash-shahad, à partir du moment où tu formules l'attestation de foi. Ça, c'est une chose qui n'a pas observé, ta main. C'est une chose qui n'a pas observé. Mais, le hadith, yani, nous prouve qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana, na'am, yadu'u biha. Yani, kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yushir bisababa, wa yadu'u biha. Comme on va le voir, inshallah. Que le prophète alayhi wa sallam, il pointait son index, et avec, il faisait des doigts. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il a commencé à dire tahiyatulillah, jusqu'à la fin du tashahhud, yani, c'est, légiféré de pointer l'index. yani, au long du tashahhud et non pas au moment où la personne a dit al-shahada ou plutôt al-shahadatayn. Donc ça c'est une chose qui n'est pas légiférée. Comme a dit le cheikh al-Albani, la asla lahu fi sunnah. Elle n'a aucune origine dans la sunnah. قال رحمه الله تعالى ويرمي ببصره إليها. Il dit doit pointer son regard vers son index. Il doit pointer son regard vers l'index. Et la preuve qui nous prouve cela, hadith Abdullah ibn Zubair, رضي الله عنه, qui est rapporté par Abu Daoud, Nasa'i et d'autres, le hadith il est Hassan, dans lequel il nous a dit وأشار بالسب وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارته. Que le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il pointait en direction son index, en direction de la Qibla, son regard ne dépassait pas l'endroit, ou plutôt son index. C'est-à-dire qu'il regardait son index pendant la prière. Ama la chose qui est connue, ou plutôt qui est répandue, que lorsque tu es devant la Kaaba, tu dois regarder la Qibla, ça c'est une chose qu'il faut un dalil par rapport à cela. Les ulama, ou plutôt ceux qui ont recueilli les hadiths concernant la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, ils n'ont pas évoqué cela. Ils n'ont pas évoqué cela. Donc, cette chose-là doit pas être observée. Et comme on a pu le voir, Inna Allah Azza wa Jal la yu'badu illa bima shara Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. On doit adorer Allah Azza wa Jal que par les choses qui sont légiférées. Donc, il faut une preuve, inshallah, pour pouvoir faire ce que font ces gens de la masse. Et s'il n'y a pas de preuve, il faut s'abstenir. قال رحمه الله تعالى ويحركها ويدعو بها من أول تشهد إلى آخره. Il nous évoque aussi que parmi les kayfiyah et les choses qui vont être les manières qu'il faut observer pendant at-tashahhud, il nous dit Cheikh Al-Albani que son index, il doit bouger son index lorsque il fait des du'as pendant son tashahhud. Du début du tashahhud jusqu'à la fin du tashahhud, le prieur il doit bouger son index. Ça c'est un avis qui a été pris par Cheikh Al-Albani, dans lequel il s'est appuyé sur un hadith qui est, comme l'ont qualifié les ulama du hadith, qui est shadh. C'est-à-dire que ce hadith-là, il s'oppose à de nombreux hadiths dans lesquels il n'est pas évoqué cette manière de faire, c'est-à-dire de remuer l'index de haut en bas, pendant le tashahhud. Certes, le hadith, d'apparence, la chaîne de transmission, elle est authentique. Lakin, c'est pas toute chaîne de transmission qui est authentique, qui dans lequel il est possible de la qualifier, le hadith, le texte, qui est authentique. Car il y a une chose qui s'appelle dans Mustalah al-Hadith, dans la science du hadith, un hadith qui s'appelle Hadith Shadh, qui est le hadith qui est d'apparence, dont la chaîne de transmission d'apparence est bonne, laquelle lorsque tu joins toutes les versions du hadith, de ce hadith-là et plutôt de ce texte-là, tu vas voir que d'autres chaînes de transmission ont été évoquées et le texte s'oppose à ce hadith-là. Le hadith dans lequel le cheikh s'est appuyé, hadith Wa'il ibn Hajar, dans lequel il évoquait que كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه ويحركها ويدعو بها. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il levait son index et le bougeait pour cela et faisait des du'as. Ce hadith-là, il a été qualifié de faible car la personne qui s'est trompée s'appelle Naham Zaid ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, et s'est opposé à de nombreux rapporteurs qui sont plus nombreux que lui et qui sont mieux qualifiés de lui au niveau de la mémorisation et de al-adl, l'équité. Parmi eux, As-Sufyanan, Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna, qui sont deux éminents imams, la siyama, notamment Sufyan al-Thawri alayhi rahmatullah, qui, cette personne-là qui est évoquée dans sa biographie, qu'il n'y avait personne qui était semblable à lui pendant son époque. Donc il y en a eu Zaid ibn Qudama, qui faisait partie de son époque, est une personne qui n'arrivait pas à la cheville de cet éminent imam. Ne serait-ce qu'on aurait juste trouvé cet imam-là, c'est-à-dire Sofiane al-Thawri, qui a rapporté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pointait le doigt sans évoquer qu'il le bougeait, on aurait juste trouvé ce rapporteur-là, qui n'a pas rapporté cette ziyada, c'est-à-dire de faire bouger l'index, ça aurait été suffisant pour juger ce hadith-là qu'il est quoi? Shadh. C'est-à-dire que ce hadith-là, il est faible. Lakin, là, comme l'a évoqué Cheikh Muqbil alayhi rahmatullah, c'est 14 rapporteurs qui ont rapporté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il levait son index, lakin, ils n'ont pas ajouté que, pour cela, il bougeait l'index. Donc, 14 rapporteurs qui rapportent qui n'a pas fait cela. Et parmi eux, comme on a dit, Sofiane ibn Uyayna wa Sofiane Thori wa Shu'ba, Amir al-Mu'minin fil Hadith, ces grands imams, et j'en passe, tamam, qu'ils ont évoqué que Nabi Sosam ne faisait pas cela. Hatta il est venu un hadith, là, qui est daïf, dans lequel il évoquait que Nabi Sosam kana la yuharrikuha, que le prophète alayhi salam, il ne bougeait pas son index pour cela. Et les imams ibn Khuzaimah wa kadalik ibn Bayhaqi, comme avant lui, ils ont évoqué que ce hadith-là, il est shadh. Tamam, kadalika ces imams-là, c'est pas une chose qui est nouvelle, qui est attribuée aux gens du Yémen, comme peuvent le penser, hein, certaines personnes, lakin, des ulama avant cela, le salaf, comme c'est le cas d'Ibn Qudam, plutôt je vais dire de l'imam al-Bayhaqi qui est mort dans les années 450, cet imam-là, il a évoqué que ce hadith-là est shadh. C'est-à-dire que ce hadith-là, il s'oppose à d'autres hadiths dans lesquels il n'est pas évoqué cela. Donc c'est ma'ruf, lorsqu'une version est apportée et on trouve une autre version dans laquelle le texte s'oppose à cette version-là, on regarde, est-ce que ces personnes-là qui n'ont pas ajouté, sont-ils plus nombreux? S'ils sont plus nombreux, on dit de ce hadith-là, il est shadh. Et en plus, rajoute à cela que ces personnes-là sont mieux qualifiées que Zaid ibn Qudama. Donc ce hadith-là, la shakwa la raïba fi, dans lequel est évoqué que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il remuait le doigt, l'index, lorsqu'il est en tashahhud, c'est un hadith qui est da'if, jiddan. C'est un hadith qui est da'if, jiddan. Donc, il faut s'en tenir à juste pointer le doigt en direction de la qibla et ne pas le remuer. Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, il évoque ce hadith-là, il vient pour éclaircir les autres hadiths dans lesquels il n'a pas été évoqué qu'il bougeait le doigt. Il dit qu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux hadiths-là. Ces hadiths-là ne sont pas en contradiction. Le hadith dans lequel est évoqué que Nabi sallam bougeait le doigt, c'est un hadith qui vient expliquer le terme qui est évoqué dans les autres hadiths dans lequel il dit qu'il pointait le doigt. Lakin, c'est ma'ruf, dans la langue, hatta dans la langue arabe, lorsque tu dis Fulan ashara ila dhalika, cette personne-là, elle a montré du doigt. Lorsque tu montres du doigt, est-ce que ça implique pour cela que tu bouges le doigt? Cheikh Al-Albani veut nous faire croire que lorsque tu pointes du doigt, forcément tu dois bouger l'index. Non, ça c'est une chose qui n'est pas ma'ruf, tamam. Tu peux pointer ton doigt vers une chose et le remuer comme tu peux ne pas le remuer. Donc il y a ni de dire que ça vient expliquer que yani at-tahrik yani bima'na al-ishara, ça c'est une chose qui n'est pas ma'ruf la fil lugha et le hadith est da'if. Donc inchallah s'en tenir à ne pas remuer le doigt puis ton index pendant barakallahu fikum at-tashahhud, tamam. قال رحمه الله تعالى ولا يشير بإصبع يده اليسرى. Il nous dit que Cheikh Al-Albani qui ne doit pas faire cela, c'est-à-dire montrer du doigt avec la main gauche. Ça c'est ma'ruf, c'est une chose qui n'a pas été évoquée. Tous ceux qui ont évoqué ce hadith-là, ils ont dit qu'il le faisait avec la main droite. Donc le faire avec la main gauche, ça c'est une chose qui n'a pas la asla lahu. وقال ويفحل هذا كله في كل تشهد. Dans tout tashahhud, il doit observer ce qu'on a pu évoquer. C'est-à-dire de mettre sa main, son coude droit sur sa cuisse, si jamais c'est possible. Et de mettre son avant droit, kazalika, sur la cuisse. Quant à la main droite, sa main la paume, il y a trois manières de faire. Soit tu fais un rond avec le pouce et l'index, et le pouce et le majeur, et tu mets l'index en direction de la qibla, et les autres doigts, tu les mets dans ta paume, ou soit tu mets ton pouce sous l'index, ou bien tu mets ton pouce, sur le majeur. Quant à la main gauche, c'est soit tu la mets sur ta cuisse à plat, ou soit jamais tu la mets sur ton genou. Ça, c'est les manières, ou plutôt la kayfiyya qui est observée pour les mains pendant un tashahhud. Et inshallah, tabaraka wa ta'ala, on va poursuivre, c'est-à-dire si ratu tashahhud wa dua ba'dahu, inshallah, dans une prochaine assise, si Allah azza wa jalla le veut. Et sur ce, inshallah, on se quitte. Et s'il y a des questions par rapport au cours, faddalou, sinon, on se contente de cela. Faddal 85, participant 85. Les coudes sur la cuisse, est-ce que cela veut dire que le coude touche la cuisse ou juste qu'il doit être au-dessus de la main? Sur la cuisse. Sur la cuisse. Il doit être sur la cuisse. Tadal, partition 01. Comme on a pu l'évoquer par rapport au hadith. Le hadith, yani, profite que barakallah. Il montre bien cela. Ah, tadal. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana, il hadith yani wa'il ibn Hujr, il est pour répondre avec le hadith de partition 85. قال وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الايمن على فخذه. تمام. Il a dit, il a posé sur ala, c'est ma'ruf, yani fi al-lugha, c'est l'isti'ala, c'est-à-dire de poser une chose au-dessus de l'autre. Cours 23-24, que dire exactement? Rambana lakal hamd, pas compris, en se redressant en levant les mains ou debout. Le Rabbana wa al-Kalhamd, il est légiféré comme l'a dit Cheikh al-Albani, قال موريده lorsque la personne elle est debout, lorsque tu es debout. Le hadith est venu, un Nabi sallam qui a dit Rabbana wa al-Kalhamd wa huwa qa'im. Il disait Rabbana wa al-Kalhamd lorsqu'il est debout. On a pu voir pour dire Rabbana wa al-Kalhamd, tu as trois manières de faire, ou plutôt, naam, quatre. Soit tu dis Rabbana. Rabbana lakal hamd, ou tu dis Rabbana walakal hamd, ou tu rajoutes Allahumma lakal hamd, ou Allahumma walakal hamd, et le mieux c'est de dire Allahumma walakal hamd. Donc yani c'est lorsque tu es debout, lorsque tu t'es redressé. Car comme l'a dit Cheikh al-Albani, mouriduhu al-qiyam, c'est-à-dire que l'endroit qui est légiféré pour cela, c'est lorsque tu es debout. Et les mains, tu lèves à partir du moment où tu as trois manières de faire pour cela. À partir du moment où tu t'es levé, نعم au moment où tu vas dire Rabbana wa al-kalham ou après que tu dis Rabbana wa al-kalham. Là on dit pas Allah akbar. Là. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا وك الحمد. Si il dit سمع الله لمن حمده, tu dis, vous dites يعني ربنا وك الحمد, c'est-à-dire les quatre formules. Ama Allahu akbar, non, il n'est pas légiféré dans ce lorsque tu te relèves du rukou' pour dire Allahu akbar. C'est-à-dire l'imam ou celui qui prie tout ça, il dit Rab سمع الله لمن حمده à partir du moment qu'il se lève. Et lorsqu'il est debout, il dit Rabbana kalham. Afan, ça sonne vite fait, Inch'Allah, jour. Wayak, Inch'Allah, al-Jami'. Inch'Allah, on se contente de cela. Il n'y a pas d'autres mains qui sont levées. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Attention, on se quitte. Wa nas'Allah, jalla wa ala, nija'ala hada dars, nafi'an laka, lana wa lakum, wa lisa'ir al-muslimin. Subhanaka Allah, bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allah, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj.fr.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin, la tarkan ilayhim, haula'i tha'abi.